Bonjour et bienvenue sur Radioactive. Aujourd'hui, nous vous proposons un tout nouveau rendez-vous, une émission qui s'appelle Petit à petit, refaire son nid, et vous allez vite comprendre pour quelles raisons ce titre a été choisi par nos invités du jour. On va commencer par Élodie Billot. Élodie est formatrice FLE au Greta Val-de-Loire. Bonjour Élodie. Bonjour Marlène. Alors Élodie, on va commencer par vous demander un petit peu de nous parler de votre travail. Qu'est-ce que c'est d'être formatrice au FLE ? Alors, j'interviens au Greta d'Amboise dans une formation de français langue étrangère. Cette formation est destinée à un public dont la langue maternelle n'est pas le français, donc on est sur des locuteurs non natifs. Cette formation est financée par la région et elle dure 300 heures et s'étend sur 2 mois et demi. Donc c'est une formation intensive. L'objectif de la formation, c'est de faire acquérir à nos stagiaires des compétences pragmatiques, linguistiques, sociolinguistiques, pour ensuite qu'ils puissent trouver des formations qualifiantes ou un emploi, ou même pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Moi, mon rôle en tant que formatrice, c'est d'accompagner ces stagiaires dans l'acquisition de ces compétences. Et puis aussi pour qu'ils puissent s'intégrer le plus facilement possible et être autonomes dans la vie quotidienne, à savoir prendre des rendez-vous chez le médecin, dans le milieu professionnel aussi, mais pas que aussi. Donc il n'y a pas ce côté seulement fonctionnel. Quand on est en formation de langue, il y a aussi un aspect social. On apprend ensemble, il y a des nationalités différentes. On partage ses expériences, ses émotions. D'ailleurs, chaque matin, on fait l'humeur du jour. Voilà, donc il y a toute cette sphère aussi qui est très, très importante. Et aussi ce cadre de bienveillance, d'écoute. Et voilà. Très bien. 2 mois et demi, ça suffit pour acquérir des compétences de base, pour pouvoir se débrouiller en français ? Donc 2 mois et demi, ça peut suffire pour remplir par exemple des documents, mais au bout de 300 heures, on n'est pas encore tout à fait autonome. Et puis après, ça dépend aussi de la condition des stagiaires. Ouais. C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont prêts mentalement ? Souvent, on a affaire à des stagiaires réfugiés qui ont vécu des choses dramatiques. Donc c'est peut-être un peu plus lent. Ça dépend en fait du rythme en fait, de nos stagiaires. C'est pas renouvelable ? Ils ne peuvent pas réenchaîner après sur 2 autres mois et demi d'apprentissage ? C'est renouvelable. Et d'ailleurs, certaines des stagiaires qui sont aujourd'hui dans le studio ont déjà suivi 1 ou 2 formations avant celle-ci. D'accord. Voilà. Quelles sont les principales nationalités qu'on retrouve dans ces groupes ? Alors majoritairement, on a des stagiaires venant d'Ukraine, puisque la ville d'Amboise a accueilli un grand nombre de réfugiés ukrainiens. Et aussi, on retrouve des stagiaires de d'autres nationalités. Par exemple, normalement, sur la formation, les stagiaires sont au nombre de 8. Aujourd'hui, elles sont 7. Donc, une des stagiaires est absente. On la salue, c'est Wijdan. Elle ne se sentait pas bien aujourd'hui. Okay. Et elle est d'origine irakienne. D'accord, ok. J'imagine que ça suit un petit peu aussi le cours de l'actualité, bien évidemment, mais je pense qu'il y a encore quelques années, on devait retrouver des Afghans, Soudanais peut-être. Oui, tout à fait. En tout cas, les formations de français langue étrangère au Greta ont été ouvertes parce qu'il y avait un besoin. Quand on a accueilli, il y a 2 ans, quand les réfugiés ukrainiens ont été accueillis sur la ville d'Amboise. Et puis, petit à petit, la formation, en tout cas au Greta, s'est ouverte à d'autres nationalités, d'autres réfugiés. Ok. Alors, comme vous l'avez dit aujourd'hui, Élodie, vous êtes venue accompagner d'un certain nombre de stagiaires. Alors, nous n'avons que des femmes aujourd'hui avec nous. C'est bien puisqu'on fêtait récemment la Journée internationale du droit des femmes. Parfait. Alors, on va peut-être leur demander à chacune leur tour de se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Valentina, je suis ukrainienne. Je viens d'Ukraine en mars 2022, mais avant j'habite en Pologne. En France, j'arrive en août 2002. D'accord. Je suis mariée, j'ai un fils. Et j'apprends le français au Greta depuis 1 an, mais avec des pauses. D'accord. C'est bien de faire des pauses un peu de temps en temps. Oui, c'est bien parce que tu peux réfléchir, nouvelles informations, et c'est bien. C'est important l'aide d'Élodie. Oh oui, c'est mieux que tu apprennes le français seul, parce que Élodie, deuxième professeur, nous corrige toujours. Parce que pas toujours nous parle bien. On comprend bien, en tous les cas. Oui, oui, oui. Et quand tu comprends où tu fais les erreurs, c'est bien pour ton progrès. Mmh. D'accord. Merci, Valentina. Oui, effectivement, nous sommes deux formatrices à intervenir sur ce groupe. Ma collègue Alizée, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et on la salue, et qui fait ce travail aussi d'accompagnement. D'accord. Alors, à côté de Valentina, nous avons... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Natalia. Je suis ukrainienne. Je suis arrivée 7 mars 2022. Maintenant, je habite en Boise. D'accord. J'habite avec ma fille, et mon père. Ma fille étudie à l'école. Oui, d'accord. CM2. Et elle parle français aussi, un peu, parce qu'elle a étudié en Ukraine. D'accord. Oui. OK. Donc, elle se débrouille bien? Oui. Ça oui. va? Oui. Oui. OK. Très bien. Merci. Merci, Natalia. Merci, vous. Bonjour à tous. Je suis Elena. Ouais. Aujourd'hui, je suis Elena. Ouais. Je suis ukrainienne. J'arrive en France avec ma fille. Elle était 8 ans maintenant. Elle était à l'école à Amboise, à classe 1. Maintenant, je suis aux formations en français pour améliorer le niveau de français, pour parler et pour faire la vie quotidienne plus facilement. C'est très très bien. Ouais. Et alors, Elena, est-ce que vous aimez Amboise? Oui, elle était très gentille. Les étudiants aussi. Il est bien à aide et notre famille, elle était bien accueillie. D'accord. Comme nous arrivons en France, c'était en Normandie. Après, nous partirons à Amboise avec notre ami français qui aidait nous. Et voilà, ici, il y a beaucoup de préparation. Nous habitons au lycée Chaptal. OK. C'était normalement les appartements qui étaient vides. Mm-hmm. Mais tous les habitants en Amboise étaient préparés, donnaient quelque chose, et pour être prêts et bien accueillis pour nous. Une grande solidarité, donc. Oui, c'est ça. Il y a de différents magasins qui donnaient gratuit quelque chose pour nous. Il y a des personnes qui lisent d'informations sur le site au Cheptal. D'accord. Qui ont besoin de quelque chose et ils écrivent que c'est possible de donner ça gratuitement pour nous. De belles initiatives. Très bien. Bonjour, je m'appelle Oksana. J'ai un fils en étudiant en classe CP. Je suis d'Ukraine, de Kharkiv. Je suis arrivée en France en 2022, fin octobre. Maintenant, je vis à Amboise. J'apprends le français au Greta. En Ukraine, je suis infirmière. D'accord. Très, très bien. Merci, Oksana. Bonjour à tous. Je m'appelle Anna. J'ai 26 ans. Je suis ukrainienne. Je suis arrivée en France il y a 12 ans. Une fille, elle va à l'école à Amboise avec fille d'Elena. Ok. Et maintenant, j'apprends le français au Greta depuis 4 mois. D'accord. Vous ne parliez pas du tout français avant? Non, quand je suis arrivée en France, je sais bonjour et merci, c'est tout. Ah bah c'est... On voit que l'apprentissage a porté ses fruits. C'est-à-dire que vous avez... Vous parlez bien? On comprend bien? Ah, merci, je... Non, mais tout, hein, globalement, jusque-là, on vous comprend parfaitement. Oui, c'est vrai. Merci, Anna. Bonjour, je m'appelle Valéria. Je suis de nationalité moldave. mais mon mari et mon fils sont ukrainiens. Je suis arrivée en France il y a 7 mois. D'accord. J'apprends le français à Greta depuis 3 mois, c'est tout. Ben c'est bien, c'est déjà très très bien. Merci. Merci Valéria. Et enfin, pour finir le tour de table des présentations. Bonjour, je m'appelle Oksana, je suis ukrainienne, je suis mariée et des enfants. J'ai professeur de mathématiques en ukrainien. Oh. Je suis arrivée le 7 mars 2022. D'accord. C'est tout. Bon. Ok. Je suis restée là aussi. Alors maintenant qu'on a fait un tour de présentation des stagiaires du groupe français langues étrangères qu'accompagne Elodie, on aimerait bien savoir maintenant comment se passe la formation, qu'est-ce que vous y faites, comment ça se passe en formation. Alors, laquelle se lance pour nous parler de ça? Alors, Oksana. Mon formation se passe très bien parce que nous avons des bonnes formatrices et elle explique bien et nous aide pour nous. Il faut prendre les compliments, Elodie. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que je ne les avais pas briefées avant sur ce point-là. je ne les ai pas forcées à dire ça. D'accord, merci Oksana. Ma formation s'est passée bien et je pense que ma français est mieux chaque fois. Ah oui, d'accord. Ok, Anna. Merci pour ces quelques mots. Et est-ce qu'il y en a une qui pourrait expliquer comment se déroule la journée de formation? Oui, bien sûr. Notre journée commençait à 9h et durait pendant le 17h. D'accord. Cet temps, nous parlons, faire l'exercice, apprendre la grammaire, jouer les jeux, regarder le film. Une fois, nous avons fait une sortie pédagogique qui se passait bien. C'était très intéressant. Et tu te rappelles où est-ce qu'on est allé? Eh oui, on veut savoir. Nous sommes arrivés à Tours. Et nous cherchons le street art, c'était street art. Okay. Et nous avons été un parcours pour tous les tours et où nous avons cherché quelque chose qui... Ouais. Oui, tu veux dire que c'était un parcours pour découvrir le street art en plein air. On avait travaillé sur le thème de l'art, le street art. Et l'idée, c'était d'aboutir sur un projet final, donc faire cette sortie et aller voir ce street art et les différentes techniques qu'on peut retrouver dans cet art. Hmm. Oui, c'était très intéressant parce que pour toutes les personnes, c'est nouveau. C'est bien parce que nous pratiquons le français. Hmm. Nous cherchons un lieu qui nous ne connaît pas et nous toujours posons des questions pour les citoyens. À Tours. Plus, nous regardons belles graffitis, mosaïques, beaucoup de choses. Et c'est passé très intéressant, très bien. Oui, et puis l'idée aussi, c'était pour certains stagiaires qui n'étaient jamais allés à Tours, de visiter Tours. Mm-hmm. Et je sais que par la suite, certains y sont retournés parce qu'ils avaient pris, on a tous ensemble pris le train. Donc il y a toujours cette petite peur, peut-être, barrière d'aller acheter son billet. Donc là, chacun a joué le jeu, a acheté son billet, a eu une interaction. Et ensuite, on a pris le train et voilà, on s'est baladé dans la ville. Et c'était l'objectif aussi. Super. Oui, puis la découverte du street art, c'est quelque chose de chouette. Vous aviez dans vos pays d'origine, alors massivement aujourd'hui l'Ukraine, mais du street art? Oui, mais nous ne connaissons pas beaucoup de choses dans ce type de street art. Mm-hmm. Pour moi, street art, avant, c'est juste graffiti. Ah, ok. Oui. Alors qu'il y a Banksy, qui par exemple est un artiste de street art vraiment très très connu et qui prône justement la liberté, la paix, et qui fait beaucoup de street art dans ce sens, et notamment en Ukraine d'ailleurs. Des œuvres superbes. vous pourrez regarder avec Elodie. Elle vous montrera. On regardera ensemble. Il est vraiment à découvrir. Ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. Ok, merci beaucoup Valentina pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent nous parler de cette sortie street art? Qui veulent ajouter quelque chose par rapport à ça? Valéria, tu veux parler de cette sortie? J'ai oublié. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai, tu as déjà oublié? Déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, que tu as apprécié? Ou peut-être que tu n'as pas apprécié aussi? On est allé à l'hôtel Gouin aussi pour terminer. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, Valéria? À mon avis, notre sortie à Tours s'est passée très intéressante. D'accord. Mais un peu, pour moi, était fatiguée. Ah. Parce que nous allons à pied beaucoup. Vous avez beaucoup marché. Beaucoup marché, oui. D'accord. Mais c'est passé très intéressant. Pour moi, c'était une expérience de vie de street art parce que je me suis intéressée d'art en général. Mais ça m'a plu. Nous avons passé un très bon jour. Ah oui, une très bonne journée, oui. Une très bonne journée. Et quand nous revenons chez nous, nous sommes fatigués mais contents. Bon. C'est le plus important. Oui. Ok. Est-ce que c'est plus sympa d'être en sortie ou d'être en cours? Elena, Oksana, on ne vous a pas entendu encore? Selon moi, c'est mieux quand tu as de changer tout le temps. Pas pareil comme faire d'habitude. Quelque chose de nouvel, c'était très intéressant. Et c'est mieux pour apprendre et découvrir quelque chose de nouvel. Oui, d'accord. Merci Elena. Vas-y Valéria. Pour moi, je préfère rester à la classe parce que quand nous sommes dans la classe, nous apprenons beaucoup de formations françaises parce que ma priorité maintenant est apprendre bien le français. D'accord. Pour me sentir à l'aise dans la vie quotidienne. Très bien. Quand nous sortons, c'est bon, c'est bien, c'est intéressant, mais nous pratiquons par le français. Et ça, c'est pas bien de pratiquer le français quand nous sortons? Je ne dis que c'est pas bien, c'est bien, mais nous parlons plus en notre langue, en ukrainien, en russe. Mm-hmm. Ah oui, d'accord. Mais dans la classe, nous parlons juste français. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors par exemple, cet exercice ce matin de venir à la radio, est-ce que ça c'est bien par contre? Ça c'est très bien parce que nous parlons français. Eh oui. Eh bien, faudra revenir quand vous voulez. Ok. On a pas mal parlé de ce qui se passe dans les murs, hein, et puis évidemment de vos sorties dans le cadre toujours de cette formation. Mais qu'est-ce que vous faites en dehors? Est-ce que vous avez des projets, des petites anecdotes, des choses à nous raconter sur votre vie quotidienne quand vous n'êtes pas en cours avec Elodie ou Alizée? Alors, Oksana est en train de mettre le casque pour nous parler. Voilà, avec l'assistance technique de Natalia qui place le micro bien correctement. Une fois, je suis allée dans un café et j'ai voulu commander un coca. Et je ne savais pas comment dire température ambiante. Et je dis, je voudrais une coca sans frigo, s'il vous plaît. Ah, sans frigo. Ok. Et le serveur ne m'a pas compris et après, on a ri longtemps. Ah oui, bah oui. Évidemment, c'est pas courant. Anna. J'ai une anecdote avec ma prononciation. C'était à Orléans. Moi et ma fille, nous sommes allés à petit café. Mm-hmm. J'ai commandé un café et le vendeur demandait combien de sucre pour vous. J'ai dit sans sucre. Elle choquée, elle demandait cinq sucres. Ah. J'ai dit non, sans sucre. Elle dit combien de sucre pour vous, madame? J'ai dit, sans sucre. elle reste là et voir moi. Uh-huh. Et dame à côté dit « Madame voulait pas sucre mmh. ». Bah, sans sucre quand même, ça se comprend. Ben oui, je sais pas. Oh. Ah ouais, d'accord. Depuis, il y a eu plusieurs formations. Maintenant, j'ai dit « sans », à vous, j'ai dit « sans sucre ». Ouais. Bah, c'est toujours les voyelles nasales qui sont un petit peu compliquées à prononcer et qui peuvent créer ce genre de situation sur le coup, peut-être pas très comique, mais après, oh, quoi que. À ce moment-là, tout le monde a ri, c'est ça? Oui. Ok. Je voudrais remercier pour le Greta, pour notre formatisme, parce qu'apprendre la nouvelle langue, c'est très difficile pour nous, mais c'est très important pour habiter maintenant ici. Je voudrais parler quelque chose. Dans le Amboise, j'aime promener dans le centre-ville, sur l'île d'Or. J'aime promener avec ma famille. Maintenant aussi, j'attends un bébé. Oui. Et après, je voudrais aussi continuer le français pour faciliter ma vie quotidienne et trouver un bon travail. C'était quoi votre travail, Valentina, avant en Ukraine? Avant, en Ukraine, je travaille comme créatrice de contenu. Très bien. Et cette profession est très intéressante pour moi, mais c'est très difficile en France parce que je n'ai pas bien parlé français. Ah oui, d'accord. Et avant, je dois bien apprendre français. Mais oui, évidemment. Oui. C'était quoi votre travail, Natalia, avant? Avant, en Ukraine, j'ai travaillé à l'école maternelle. D'accord. Mais ma profession, après, à l'école, c'était comptable. D'accord. Comptable. Ok. Maintenant, en France, j'ai travaillé femme de ménage. Mm-hmm. Et après le fin du cours de français, je vais aller au saisonnier travailler. D'accord. Et pour faire quoi? Pour femme de ménage. D'accord. Très bien. Mais je pense, après travailler saisonnier, je vais au cours de français encore pour améliorer. Améliorer, oui. Améliorer, oui. Parce que je peux apprendre cette langue. Oui, on imagine comme c'est compliqué parce que vous êtes partie d'un niveau dans votre pays qui était bien plus important que celui que vous avez maintenant en France. Et oui, on comprend toute la difficulté de se remettre à niveau, en fait, oui, bien sûr. Après. Ok. Merci. Et c'est vrai que du coup, maintenant, au regard de tout ce que vous partagez avec nous dans cette émission, on comprend pourquoi vous avez choisi ce titre, Petit à petit, refaire son nid. Vous voulez dire quelques mots à ce sujet? Je lis. Oui. Nous avons choisi ce titre car comme l'oiseau qui fait son nid, nous devons construire notre vie, notre nouvelle vie. En France, étape par étape, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience et nous ne pouvons pas nous arrêter. Si quelque chose ne marche pas, nous devons continuer et avancer. Oui, bien sûr. C'est comme commencer la vie à zéro, comment ça dit. Mais nous devons faire beaucoup de force pour commencer et pour... Pour, comme on dirait en français, pour rebondir. Rebondir, c'est... Oui. On repart. Ouais. En tout cas, vous êtes toutes très courageuses. Bravo et félicitations pour tout le travail que vous faites pour vous adapter. Merci. Et pour retrouver du travail ici en France. Merci. Bon, on n'a pas trop parlé, c'est vrai, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui est dur. Oksana, tu veux c'est en parler ou pas? C'est difficile de se faire comprendre. C'est difficile de se faire comprendre ouais. dans la vie de tous les jours. Même s'il y a des problèmes, il faut continuer à avancer. Mais quels sont ces difficultés que chaque jour vous surpassez, vous voulez en parler? En général, pour tous les Ukrainiens, le principal problème, je pense, à mon avis aussi, et les personnes françaises ne pas comprendre bien à nous. Et nous faisons beaucoup de bêtises, comme Oksana, sans frigo, sans sucre, beaucoup de ça. Pour nous, c'est difficile. De se faire comprendre, c'est ça? Oui, oui, de se faire comprendre, oui. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés au quotidien comme ça que vous rencontrez? Je pense qu'un grand problème pour les Ukrainiens, c'est que pour nous, très important, faire quelque chose très vite. Nous, être très courageuses, très motivées, mais nous ne devons pas attendre longtemps. Nous n'avons pas de patience. Oui, nous n'avons pas de patience. Parce que pour recevoir les documents, nous pouvons attendre longtemps, 1, 2, 3 mois. Et c'est, oui. C'est dur pour nous. Mm. Oui, et avec les documents, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne savons pas bien le français. Et c'est difficile pour comprendre qu'est-ce que nous devons écrire. Qu'est-ce que nous devons faire pour reçu quelqu'un document. Et pour ça, nous apprendre le français aussi. Mmh. Et ça, Élodie, vous, dans le cadre de votre accompagnement en tant que formatrice, est-ce que vous les accompagnez aussi sur ces questions administratives ou à qui elles s'adressent? Alors, notre rôle en tant que formatrice, ce n'est pas de les accompagner dans les démarches, mais on peut le faire aussi. Toutes, ou en tout cas toutes les stagiaires présentes aujourd'hui dans le studio, sont accompagnées par des travailleurs sociaux. L'association s'appelle Alteralia. Ils sont situés à la Villa Bellagio, où résident les réfugiés ukrainiens. Et ils sont là pour les accompagner dans toutes leurs démarches administratives, mais aussi en ce qui concerne les rendez-vous médicaux, suivi psychologique. Mmh. Ok, et ça c'est important pour vous, cet accompagnement-là aussi? Oui, bien sûr, parce que quand nous arrivons en France, nous ne savons pas rien. Zéro, comme dit Anna. Nous savons juste merci et au revoir, c'est tout. Et grâce à Alteralia, nous avons beaucoup de choses qui nous aident. C'est plus facile. Il s'est facilité notre vie quotidienne, oui, c'est bien sûr. Mais maintenant, nous devons faire plus autonome parce que c'est notre vie et nous pouvons rester, faire quelque chose que je voudrais et pas d'aide parce que c'est aussi, c'est pratique le français. Quand je dis avant, maintenant je suis enceinte, et ce n'est pas possible pour tout le monde rendez-vous, une personne qui m'accompagnait toujours. Oui, et je dois apprendre le français, je dois pratiquer, et quand personne ne comprend moi, ou je ne comprends mon docteur comme exercice, je dois toujours poser les questions. Pardon, vous pouvez répéter. Je ne sais pas. Pardon, vous pouvez répéter. Comment c'est écrit? Je dois se chercher sur Internet. Et c'est beaucoup de choses nouvelles. Et c'est toujours plus d'informations. Et maintenant, je dis que j'ai un peu oublié quelques mots ukrainiens parce qu'avec le temps, toujours j'ai réfléchi français, dans la langue française. Oui, et quand je voudrais parler quelque chose avec mon mari, je dis que, attends, j'ai oublié ce mot. Un minute, et je réfléchis. J'ai oublié et c'est, c'est difficile parce que une langue après c'est deuxième langue et tu dois réfléchir dans deux langues ensemble. Ouais, on imagine toute la difficulté, oui. Oui, puis ton fils, il sera très certainement francophone en fait. Oui. Alors Oksana. Je suis arrivée en français le 7 mars 2022. Avec mon fils, d'abord à Paris, après à Amboise. Mon fils va au lycée Leonardo da Vinci. Mon fils, pour lui, plus facile. Mon fils parle français, anglais. Pour moi, c'est difficile. Selon moi, grammaire, lire, comprendre, c'est facile. C'est facile. Ouais. Et puis le français, c'est pas la langue la plus facile. Et non, oui, c'est ça. Surtout en plus que il y a une grande différence entre l'oral et l'écrit. Oui. Donc c'est vrai que en général, ils ont tendance à prononcer ce qu'ils lisent.